Continuer à défendre les droits de l'homme, pour moi, c'est de continuer à dire oui à la vie. C'est de revendiquer mon droit et le droit de tout le monde, le droit des minorités, d'exister en fait. Et si je ne peux pas me motiver à continuer à défendre les droits de l'homme et de persévérer, de prendre position, c'est que en fait, j'ai complètement renoncé à la vie même et à mon droit d'existence. Il est vrai qu'en ce moment, c'est difficile de se motiver et de s'inspirer avec les changements politiques et les développements politiques, surtout dans le Moyen-Orient, en Égypte en particulier, mais aussi partout dans le monde, avec l'émergence de l'extrême droite un peu partout. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir et que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organisations qui n'ont pas encore cédé, qui font de leur mieux et qui sont assez effectifs dans leur travail et qui luttent encore inlassablement pour défendre les droits de l'homme et notre droit d'exister et de notre volonté de vivre en fait.